La guerre, toujours. Et plutôt que de diffuser un entretien raccourci avec Monsieur X, j'ai choisi de chercher dans nos conversations plus anciennes ce qui pouvait éclairer l'actualité de cette deuxième guerre du Golfe. Le 11 septembre 2001, la destruction des Twin Towers semble être pour George Bush une sorte de prétexte pour justifier sa guerre contre l'Irak, Saddam Hussein étant présumé avoir des liens avec Ben Laden. Alors, Ben Laden, justement. Ben Laden et les Moudjahidines afghans qui ont d'abord été les meilleurs amis des Américains. Je ne vais pas remonter trop loin dans le temps, mais il ne faut jamais oublier l'humiliation américaine au Vietnam. Et surtout le désir des Américains de prendre un jour leur revanche. Oui, mais cette possibilité de prendre leur revanche, ils l'ont obtenue quand l'URSS est tombée dans le piège afghan. Mais nous en avons déjà parlé ensemble, il n'y a pas si longtemps. Oui, mais vous m'aviez dit alors que... Au fond, c'était les États-Unis qui avaient contribué à faire tomber les Soviétiques dans ce piège. C'est tout à fait exact. Alors, inutile d'y revenir. Mais ça explique très bien l'importance de l'engagement américain dans cette affaire. Car c'était une lutte à mort contre l'Empire du Mal, comme l'a appelé Ronald Reagan. Ce communisme qui avait vaincu l'armée américaine au Vietnam et qu'il fallait maintenant abattre. Et puis, vous n'ignorez pas que la défaite soviétique en Afghanistan sera un des éléments majeurs de la désagrégation de l'URSS. Ouais. Mais quand vous parlez... d'engagement américain en Afghanistan, il ne s'agissait quand même pas d'un engagement direct. C'est vrai, c'est vrai. L'aide aux Moudjahidines a été essentiellement matérielle. Des centaines de millions de dollars tous les ans. Mais les Américains sont allés bien au-delà. Ils ont entraîné des résistants afghans dans des camps situés au Pakistan. Et des agents de la CIA et des conseillers militaires sont intervenus directement sur le terrain. En Afghanistan même, donc. Bien sûr. Mais ils n'étaient pas les seuls. Alors, qui d'autre, alors? Mais les services anglais ne sont pas restés inactifs. Mais nous-mêmes avons joué notre partition. Attendez, vous voulez dire que les services secrets français ont été impliqués? Tout à fait. Le plus discrètement du monde, naturellement, car il ne fallait pas nuire aux relations franco-soviétiques. Ça vous étonne? Un peu, oui, parce que la France, elle n'avait pas de revanche à prendre. Ah, mais sous Mitterrand, comme sous De Gaulle... Elle était quand même franchement située dans le camp occidental. Et puis, il n'est pas exclu que certains de nos agents aient fait un peu de zèle. C'est-à-dire, sans en référer au pouvoir politique. Ben, pourquoi pas, ça s'est déjà vu, non? Et puis, vous savez, dans les services, on était rarement pro-communiste. Oui, ça, je pense. Enfin, ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Hein. Concrètement, qu'avons-nous fait? Enfin, si vous le savez, bien entendu. Ah ben, je ne sais pas tout, mais enfin, il m'est revenu à l'oreille quelques informations. Je vous écoute, alors. Je sais par exemple que quelques combattants afghans ont été entraînés par notre service action. D'autre part, des hommes de chez nous, sous couvert d'aide humanitaire, ont pénétré en Afghanistan. Enfin, nous avons encouragé les Moudjahidines à monter des réseaux clandestins dans les républiques soviétiques d'Asie centrale. Oui, mais quel était l'objectif poursuivi, alors? Bah, accélérer la décomposition de l'Empire soviétique. Donc les Français ont été... très actif en Afghanistan. Oui, mais évidemment, à côté de ce qu'ont fait les Américains, c'était peu de choses. Alors justement, là, qu'ont fait exactement les Américains? Vous avez parlé d'aide matérielle et financière et d'entraînement des Moudjahidines. Globalement, c'est ça. Mais le grand tournant, c'est en 1986. Cette année-là, le patron de la CIA, William Kazem, met les bouchées doubles. Avec l'aval de la Maison-Blanche. Naturellement. Reagan et Kazem étaient très liés. Je vous rappelle que c'est Kazem qui avait été l'organisateur de la campagne présidentielle de Reagan en 1981. Ouais. Mais les bouchées doubles, qu'est-ce que ça signifie? Les Américains vont livrer aux Moudjahidines des exemplaires d'un de leurs bijoux technologiques. Ah oui, je vois, c'est le fameux missile Stinger. C'est ça, ce missile bourré d'électronique, mais d'un emploi relativement aisé. Est un engin portatif qui permet d'atteindre les avions ou les hélicoptères volant à basse ou moyenne altitude. Or, ce sont ces aéronefs, surtout les hélicoptères, qui infligeaient les pertes les plus lourdes aux Moudjahidines. D'autant que dans ce pays montagneux, l'action des troupes au sol était limitée. C'est juste, et les Stinger vont changer radicalement la face de cette guerre. Ils sont immédiatement efficaces. Oui. Dès 1986, un premier hélicoptère est abattu par l'un de ces missiles. Et il y en aura beaucoup d'autres. La conséquence, c'est que désormais, les aéronefs soviétiques vont devoir voler beaucoup plus haut, ce qui va limiter considérablement leur efficacité. Les Américains ont donc mis dans les mains des Moudjahidines un engin redoutable. Très redoutable. Et en 1989, dès que l'armée rouge reflue en URSS, leur premier soin sera d'essayer de récupérer ces précieux Stinger. Car si l'un de ces missiles peut abattre un hélicoptère ou un chasseur soviétique, il peut aussi détruire en vol un Boeing. Alors la CIA a joué avec le feu, là. C'est évident, oui. Mmh. Autre initiative de la CIA, sans doute la plus grave au regard de ce qui s'est passé ensuite, le recrutement de militants islamistes. Des combattants. Oui, des hommes dont beaucoup d'Arabes qui sont appelés à se battre en Afghanistan contre les soviétiques. Donc, contre le communisme au nom de l'islam. Ce qu'on appelle la guerre sainte. Le djihad. C'est ainsi que William Casey ouvre la boîte de Pandore. L'ouverture d'une boîte de Pandore, a dit Monsieur X. Alors, soyons plus précis. C'est la réunion de ces dizaines de milliers d'islamistes purs et durs au Pakistan ou en Afghanistan. Une véritable bulle explosive. Certains combattent, apprennent la guerre sur le terrain. Une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt. D'autres étudient dans ces écoles islamiques qu'on appelle les madrasas et tous deviendront des fanatiques. Et d'où viennent-ils? Des pays arabes? Pas forcément. Le recrutement se fera aussi en Asie ou dans les Balkans. Il faut bien comprendre que pour les islamistes, la cause afghane est pain béni. Voilà l'occasion de ressusciter le djihad et de lui donner un nouveau sens. Vous semblez insinuer que cette cause, au fond, n'a été qu'un prétexte. Absolument. La guerre sainte contre les Russes et le communisme devenait une ardente obligation pour tout bon musulman. Et si ces croyants ne combattaient pas eux-mêmes, ils devaient contribuer financièrement à cette cause sacrée. Ça a donc été pour ces islamistes une formidable opération de propagande. Enfin, je vais vite là. Tant que la guerre contre les soviets dure, pas de problème. Mais c'est après que les difficultés vont apparaître. Un mot avant. Mais qui finance? Pas seulement les croyants. Les Américains d'abord. Ils permettront même à des responsables des Moudjahidines de venir aux États-Unis faire des tournées de recrutement. Ouais. J'imagine qu'il y a aussi les Saoudiens. Oui. L'Arabie Saoudite voit en effet d'un très bon œil la progression de cet islamisme intégriste, un islamisme essentiellement sunnite, donc qui peut faire pièce à l'intégrisme chiite iranien qui inquiète si fort les gardiens des lieux saints de l'islam. Mais tout change lorsque les soviétiques passent la main en Afghanistan en 1989. Les Américains ont obtenu ce qu'ils voulaient, la défaite soviétique. Et ils abandonnent froidement leurs anciens alliés. Ils n'ont plus besoin d'eux, c'est ça? Oui. Et les Moudjahidines et les combattants islamistes, ceux qu'on va maintenant appeler les Afghans, se sentent trahis par les Américains et par la famille royale saoudienne. Et ce ressentiment va avoir de terribles conséquences. Quoi, la haine des Américains? Et du régime saoudien. On le verra tout à l'heure quand on parlera d'Oussama Ben Laden. Et cette haine est d'autant plus pernicieuse que ces islamistes font, comment dire, une sorte de complexe de supériorité. Ah bon? Expliquez-moi ça. Eh bien, ils viennent quand même de mettre à genoux l'une des deux superpuissances du monde. Ouais, avec l'aide de l'autre superpuissance. N'empêche, sur le terrain, ce sont eux qui ont combattu et qui ont vaincu. Et à travers eux, c'est l'islam qui a gagné. C'est donc le triomphe du djihad, une guerre sainte qui ne peut être que victorieuse dès lors qu'elle est engagée. Ah ouais, il commence à se dire, si on a réussi contre l'URSS, pourquoi ne pas s'attaquer aux Américains qui nous ont trahis, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Enfin, j'en viens à la dernière conséquence, celle que les Américains, en véritable apprenti sorcier, n'avaient pas prévue. En revenant dans leur pays, les combattants islamistes, ces Afghans, ne vont avoir de cesse de faire du prosélytisme, de se lancer dans des actions violentes et finalement de mettre en péril le régime de leurs gouvernements respectifs. Des gouvernements qui sont souvent des alliés des États-Unis. Ouais, la contagion islamiste. Oui, c'est un vrai poison qui va se répandre. Et on constate bientôt les résultats catastrophiques de cette pandémie, en Algérie en particulier, où ce sont des Afghans qui, en devenant les chefs militaires du GIA, vont multiplier les massacres et faire des milliers de morts. Mmh. Et vous dites que les Américains n'avaient rien prévu, mais enfin, quand se rendent-ils compte qu'ils ont contribué à entraîner et à armer des gens dangereux? Dès 1989, je pense, mais il est déjà trop tard. Bah, à cette date, le désengagement américain est-il total? Non, la CIA veille. Quoi, pour contrôler, surveiller ces islamistes? Pas la priorité. En fait, ce qui intéresse les États-Unis et qui va motiver leur attitude au cours de la décennie 90, c'est la richesse exceptionnelle du sous-sol de la région. Je veux parler de l'Asie centrale. Le pétrole, quoi. Le pétrole et le gaz. Mmh. Mais nous y reviendrons. Je voudrais d'abord vous parler de l'irrésistible ascension d'un certain Oussama Ben Laden. On a dit, pour simplifier, que c'était une créature de la CIA. Attendez, c'est pas si simple. Qu'il ait eu de nombreuses relations avec la centrale américaine, c'est certain. Mais a-t-il pour autant été fabriqué par la CIA? Non. Non, Ben Laden est d'abord un pur produit des Saoudiens et accessoirement des services secrets pakistanais. Peno, rendez-vous avec X. Ben Laden, pur produit des Saoudiens, a dit Monsieur X. Certes. Et son meilleur soutien en Arabie Saoudite n'est autre que Turquie, un prince qui est le patron des puissants services secrets. Turquie est le fils de feu le roi Faisal. Et comme les Ben Laden sont très proches de la famille royale, Oussama l'avait déjà rencontré. Ouais. D'accord, mais alors, Pourquoi Turquie s'adresse-t-il à lui ? Bon, sans doute a-t-il remarqué chez le jeune homme, qui a alors une vingtaine d'années, un véritable sens de l'organisation, à moins qu'il ne l'ait contacté en raison des rapports qu'Oussama entretenait déjà avec la CIA. Déjà ? Oui. Ben Laden, mais personnellement je n'en suis pas certain, aurait été approché à Istanbul. Enfin, au fond, peu importe, c'est Turquie qui nous importe. Turquie qui, lui aussi, travaille en étroite collaboration avec la centrale américaine. Et Turquie, là, que demande-t-il à Oussama Ben Laden ? De mettre au point le départ des volontaires pour l'Afghanistan et de veiller à leur installation à la frontière pakistanaise. C'est une mission très importante. Et qui demande, c'est vrai, oui, un sérieux sens de l'organisation. Et Ben Laden accepte tout de suite, oui. Il est enthousiaste, parce que ce qu'on lui demande correspond parfaitement à ce qu'il pense. Parce qu'il a envie, lui aussi, de participer à ce djihad auquel ont appelé les muftis les plus prestigieux. Et enfin, parce qu'on a acceptant cette mission, il obéit aux ordres de la famille royale saoudienne. Aucune restriction, donc. Hein. Non. Il faut bien vous rappeler que la cause afghane est alors très populaire. Tout le monde occidental soutient les Moudjahidines. Ouais. Et qu'en pense sa famille hein? Elle est entièrement derrière lui. Elle le restera très longtemps. Même aujourd'hui, je suis persuadé qu'elle ne l'a pas vraiment lâché. Donc ce jeune homme richissime part pour Peshawar, qui va petit à petit devenir la base arrière des combattants engagés contre l'armée rouge. Mais ce qu'il découvre en arrivant n'est guère brillant. C'est-à-dire que... Son jeu de mots, c'est le plus grand bazar, le plus grand amateurisme. Tous ces futurs combattants sont pleins d'enthousiasme, mais c'est vrai, c'est tout, quoi. L'essentiel reste à faire. Mmh. Formation ? Oui, la formation militaire et idéologique. Alors, fort du soutien financier des Saoudiens, des Américains et des services secrets pakistanais, Ben Laden se met en devoir de construire des camps d'entraînement, des mosquées, des écoles. Et avec les chefs Moudjahidin et la CIA, il organise l'approvisionnement en armes. Il met lui-même la main à la poche ? Certainement. Mais Ben Laden est aussi un homme d'affaires avisé. Il ne rate pas une occasion pour arrondir sa pelote. Parce qu'il sait que la cause qu'il défend aura besoin de toujours plus d'argent. Sur toutes les photos, là, ou les cassettes télé, on le voit avec une arme dans les mains. Est-ce qu'il a combattu lui-même les Soviétiques ? Il semble qu'il ait effectivement participé lui-même à quelques opérations et qu'il ait pris personnellement des risques. Il y était presque obligé. À quoi ? Question de prestige ? Bien entendu, il devait prouver aux Moudjahidin et à tous ces combattants qu'il envoyait de l'autre côté de la frontière affronter les Soviétiques qu'il était lui-même capable de prendre les armes. Mais il l'a fait très épisodiquement. Son vrai travail, c'était l'organisation. Et il rendait compte régulièrement au prince Turki. D'ailleurs, pendant toute cette décennie, il n'a cessé de voyager entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Ouais. Est-ce qu'au cours de toute cette période-là, il a vraiment pris de l'ascendant sur les Moudjahidin ? Incontestablement. Cet homme, très jeune, que beaucoup jugeaient d'abord timide et qui parle d'une voix douce, s'impose peu à peu. Oui, il prend de l'autorité. Là. Oui, ces hommes le considèrent comme un héros. Et lorsque son mentor et ami, un Palestinien du nom de Hazan, est assassiné en 1989, c'est lui qui va vraiment devenir le chef des Arabes venus combattre en Afghanistan. Et je vous le rappelle, il y en a des milliers. Ça, c'est le point de départ de son réseau ? Al-Qaïda, la base, oui. Al-Qaïda, qui s'est installé en Afghanistan avant même la fin de la guerre avec les Russes, allait bien au-delà d'un simple mouvement de combattants. Les familles étaient aussi prises en charge par l'organisation. Et Ben Laden venait en aide aux veuves, par exemple, de la même façon qu'il faisait en sorte de s'occuper de l'éducation des enfants. Une éducation essentiellement religieuse, bien sûr. Donc si je comprends bien, ces Moudjahidin arabes lui étaient donc entièrement dévoués. Oui, c'était une sorte de fraternité, un clan. Une tribu de plus dans un pays qui était déjà un incroyable puzzle ethnique. Mm-hmm. Avançons quand même, et venons-en à la fin de la guerre. Hein. Vous m'avez dit alors que les Américains et les Saoudiens cessent de soutenir financièrement et matériellement les Moudjahidin. Ben Laden doit être le premier à le regretter. Hein. Bien sûr. Et immédiatement, il repart chez lui en Arabie Saoudite pour plaider la cause des Moudjahidin qui continuent à se battre contre le régime communiste du président Najibullah. Mais il n'est pas entendu. Pourtant, il est accueilli là-bas comme un héros. Mais comment expliquer alors le refus saoudien ? Les Américains ont décidé de cesser leur aide. Et les Saoudiens, qui n'ont rien à leur refuser, se sont alignés. C'est aussi simple que ça. Mais Ben Laden, qui a donné 10 ans de sa vie à la cause afghane, est profondément déçu. Il se sent trahi, quoi. Oui. Ouais. Et il va de plus en plus ouvertement exprimer son ressentiment vis-à-vis de la famille royale, si évidemment inféodée aux États-Unis. Mais c'est la guerre du Golfe qui précipite les choses. Oui, à cause de l'arrivée massive de soldats américains sur le sol de l'Arabie. Bien entendu. Lorsque l'Irak a envahi le Koweït, Ben Laden a proposé au gouvernement saoudien de mettre ses Moudjahidin au service du régime pour contrer une éventuelle attaque des troupes de Saddam Hussein. Mais le roi a préféré faire appel aux Américains. Une nouvelle humiliation pour Ben Laden ? Et ce fondamentaliste n'accepte pas que le sol sacré de l'Arabie soit souillé par les infidèles. Des infidèles qui vont rester après la guerre. Et à votre avis, c'est donc l'origine de la rupture avec les dirigeants saoudiens ? Oui, et Ben Laden va être de plus en plus véhément dans ses critiques contre le régime. Et finalement, il devra quitter l'Arabie saoudite. Pénaud, rendez-vous avec X. Ben Laden a-t-il vraiment rompu avec les Saoudiens? Monsieur X a des doutes. Si vous voulez bien, je voudrais revenir avec cette rupture avec l'Arabie Saoudite, hein, parce que l'affaire ne me semble pas aussi claire qu'il y paraît. Ah, ce qui veut dire, là. Ben, je suis sûr que cette rupture n'est qu'apparente. En réalité, Ben Laden a gardé des relations avec les Saoudiens et son grand ami, le prince Turki, le chef des services secrets. Et au travers d'une véritable nébuleuse d'organisations charitables islamiques et de banques arabes, Riyad continue à soutenir discrètement Ben Laden et son réseau, qui vont rapidement se lancer dans des opérations terroristes. Ouais, essentiellement contre les Américains. Oui. Hein, ouais. Et alors même que l'Arabie Saoudite est le meilleur allié des États-Unis, hein, dans cette étrange, région. Hein. Ouais, c'est étrange, n'est-ce pas? Mais la famille royale saoudienne est loin d'être unie. Et certains princes qui pensent à la succession du roi Fahd ne sont pas mécontents de poser des banderilles à ces Américains qui sont vraiment trop envahissants. Le double jeu, ça. Oui, mais ce n'est que le début d'un spectaculaire jeu de dupes. Et vous allez le voir, la suite de cette histoire a de forts relents de pétrole. À l'époque, dans la première moitié des années 90, les Américains pensent encore que Ben Laden est plus utile qu'il n'est nuisible. Et pourtant... Oussama Ben Laden est en effet à la tête d'une véritable nébuleuse islamiste. Une organisation très complexe qui regroupe des établissements financiers, des entreprises parfois liées à des partenaires américains, des ONG islamiques. Et bien sûr, tous ces combattants arabo-afghans qui se sont battus contre les soviétiques. Et d'après vous, alors, on va avoir besoin de tous ces gens-là? Exactement. Et c'est d'autant plus choquant que Ben Laden ou ses séides vont bientôt s'attaquer de front aux États-Unis. Oui, le premier attentat contre le World Trade Center. Oui, en février 1993, il y aura 6 morts, je crois, et pas mal de dégâts. Mais déjà 2 mois plus tôt, une bombe a explosé dans un hôtel yéménite où séjournaient des soldats américains en partance pour la Somalie. Ah oui, la fameuse opération Restore Hope. Une opération désastreuse pour les Américains, puisque de nombreux soldats y trouveront la mort, et là aussi, on soupçonnera Ben Laden. Ça veut dire qui? Les services secrets américains. Ah, ouais. Car en Somalie aussi, Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden, est bien implantée. Mais revenons au premier attentat contre le World Trade Center. Très vite, les enquêteurs du FBI remontent la piste des terroristes, et ils établissent qu'ils sont presque tous en rapport avec Ben Laden. Est-ce que ça veut dire pour autant que le Saoudien est directement impliqué? Non, mais disons-le crûment, on ne va pas chercher à le prouver. Pourquoi? Parce que les flics du FBI sont très embarrassés. Expliquez-moi ça. Le chef de ce réseau terroriste, un certain Ramzi Youssef, ancien Mujahideen de la guerre contre l'armée rouge, a été recruté par la CIA. Quant au guide spirituel de ce réseau, le cheikh aveugle Omar Abdelrahman, qui a été autrefois impliqué dans l'attentat qui a coûté la vie au président Sadat, il est venu aux États-Unis grâce à un visa délivré par un diplomate américain, agent de la CIA. C'est en effet très ennuyeux tout ça. Il faut ajouter que ce diplomate était en fonction au Soudan. Au Soudan où se trouve justement Ben Laden. Oui, ouais. Ben Laden qui, tout en faisant des affaires, finance des camps d'entraînement de militants islamistes au nord du Soudan. Est-ce que ça veut dire, là, ce que vous venez de dire, qu'il y a... un désaccord entre le FBI et la CIA, non? Incontestablement. Et au nom des intérêts supérieurs du pays, c'est la CIA qui impose son point de vue. Alors, qui protège d'une certaine façon Ben Laden? Qui évite en tout cas de le faire inculper par la justice américaine comme le voudraient les agents du FBI. La seule sanction prise contre Ben Laden, vraisemblablement à l'instigation de Washington, sera sa déchéance de la nationalité saoudienne. Car notez-le bien, Ben Laden ne fera l'objet d'une inculpation américaine qu'en 1998. Père Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Ce qui se cache derrière cette mansuétude, c'est le pétrole. Le pétrole des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Les Américains ont obtenu de très gros contrats dans ces pays. Mais le pétrole doit être acheminé par un oléoduc qui traverse l'Afghanistan. Seule condition, que le pays devienne stable. Alors, pourquoi pas les talibans? Le lobby pétrolier a fait tout ce qu'il a pu pour aider les talibans, discrètement, bien sûr, avec la participation clandestine de la CIA et parfois sous couvert d'aide humanitaire. Et le fait que les talibans soient des islamistes ne gêne pas? Apparemment, non. Quand les talibans s'empareront de Kaboul en 1996, il se trouvera des diplomates et des membres du Congrès pour se réjouir et souhaiter que les États-Unis établissent au plus tôt des relations diplomatiques avec le nouveau pouvoir. Tout ce qu'ils désirent, enfin je parle des États-Unis, c'est donc que les talibans imposent la paix en Afghanistan. Pour construire leur pipeline en toute tranquillité. Ah ouais. Et à ceux qui leur font remarquer que les talibans peuvent représenter un jour une menace pour l'Occident, ces mêmes hommes répondent sans sourciller que les étudiants en religion ne sont pas du tout hostiles à l'Occident, mais à la modernité. modernité. Ouais. Bref, ils sont archaïques, quoi. C'est tout. Voilà. Ouais. En outre, et c'est très important pour les Américains, les Iraniens chiites sont leurs ennemis. Ouais, comme les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'est cela, oui, oui. Ouais. Mais est-ce que la Maison-Blanche partageait ce point de vue ? Clinton, personnellement, était sans doute beaucoup plus méfiant. Mais derrière, il y avait le lobby pétrolier. Et aussi tout ce qu'on appelle outre-Atlantique les think tanks. Littéralement, les réservoirs de pensée. Oui, des instituts privés ou des universités qui travaillent étroitement avec la CIA ou le Pentagone. Et qui inspirent, bien sûr, la politique américaine. La plupart de ces intellectuels, généralement conservateurs, jugeaient très favorablement l'arrivée au pouvoir des talibans. Et je me souviens très bien qu'en 1996, le département d'État américain a publié un communiqué qualifiant la victoire des talibans d'éléments positifs susceptibles de ramener la stabilité dans la région. Ah ben c'est donc parfaitement clair. Et il faudra encore attendre de longs mois avant que Washington, officiellement, ne prenne ses distances avec le régime taliban. Alors, venons-en justement au changement d'attitude des États-Unis là, vis-à-vis des talibans. Que se passe-t-il ? Ben, y a plusieurs raisons. La première, c'est celle-ci. En 1997, Emma Bonino, commissaire de l'Union européenne en charge des questions humanitaires, se rend à Kaboul. Elle y constate l'archaïsme du régime et surtout l'horrible situation des femmes afghanes qui sont les premières victimes de l'ordre taliban. On a vu les images. Ouais. À son retour, Emma Bonino, qui est une femme à poigne, dénonce vigoureusement les talibans et ses accusations font grand bruit. Oui, je me rappelle en effet. Aux États-Unis, les féministes montent au créneau. Clinton ne peut pas ne pas écouter ces féministes, sinon il risque de faire perdre le camp démocrate lors des prochaines échéances électorales. La conséquence immédiate, c'est qu'à la fin de 1997, lors d'un voyage au Pakistan, pour la première fois, Madeleine Albright critique ouvertement le régime taliban. Et il y a d'autres raisons quand même pour prendre ses distances avec Kaboul. Ben Laden, évidemment. Ah, voilà. Les États-Unis ont fait pression sur le Soudan et obtenu en 1996 que le Saoudien quitte le pays. Aussitôt, Ben Laden s'envole avec armes et bagages pour l'Afghanistan où les étudiants en religion viennent d'entrer dans Kaboul. Mmh. Et là, il retrouve ses amis Moudjahidines. Et les membres de son organisation Al-Qaïda, qui ont d'ailleurs combattu aux côtés des talibans. Et on le sait, Ben Laden va devenir un pilier du régime et l'ami fidèle du Mollah Omar, le chef des étudiants en religion. Oh, on a même dit qu'il était, en réalité, Ben Laden, le vrai numéro un du régime. Ça, je n'en sais rien, mais c'est sûr, Ben Laden est un homme qui compte dans l'Afghanistan des talibans. Arrive 1998 et les attentats contre les ambassades américaines en Afrique. Je vous l'ai dit, les Américains estiment que Ben Laden est impliqué dans la préparation et la conception de ces crimes. Plus question de le laisser en paix. Il faut le capturer, le juger, le punir. Ouais. En 1998, Ben Laden, qui a déjà donc organisé plusieurs attentats meurtriers contre les Américains, lance une véritable déclaration de guerre contre les États-Unis. Que faire ? L'administration Clinton a déjà essayé de négocier secrètement avec les talibans pour qu'ils lui livrent Ben Laden. Qu'en sera-t-il avec le nouveau président George W. Bush ? N'oubliez pas que le lobby pétrolier a fortement contribué à financer la campagne électorale de George Bush. Ouais. Et on pense alors que ces négociations secrètes vont peut-être aboutir. Un ambassadeur des talibans se rend donc officiellement à Washington et les Américains font un geste en débloquant des millions de dollars d'aide humanitaire. Jusqu'à quelle date ces négociations durent-elles ? Jusqu'en août 2001. En août, c'est-à-dire un mois seulement avant le 11 septembre. Oui, alors on peut peut-être s'interroger. Ben Laden n'avait-il pas de meilleur moyen de mettre un terme définitif à ces négociations qu'il concernait directement que de frapper les États-Unis au cœur ? Vous y croyez ? Ça me paraît une hypothèse plausible. Je ne dis pas que Ben Laden a improvisé ses attentats suicides en un mois. Les opérations étaient déjà envisagées. Mais il a peut-être donné un coup d'accélérateur quand il a compris qu'il risquait d'être lâché par ses amis talibans. Et puis il y a une autre coïncidence qui me rend perplexe. Quoi, alors ? Le limogeage du chef des services secrets saoudiens, le prince Turki, le 30 août 2001. Ouais, le 30 août, hein. L'ami de Ben Laden, Turki. Hein. Vous avez une explication ? Je vous ai dit que malgré les apparences, Ben Laden avait gardé de nombreuses relations avec l'Arabie saoudite. Imaginez que les projets terroristes de Ben Laden aient filtré à Riyad. Il convenait en toute hâte de se débarrasser du chef des services secrets, l'homme qui protégeait depuis si longtemps le chef d'Al-Qaïda. À samedi prochain, et je vous rappelle que si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez aussi utiliser notre site franceinter.com.